Vérité et qu'entre Louis, duc d'Orléans, frère du roi Charles VI, et Jean, duc de Bourgogne, cousin germain, il y eut par plusieurs fois grande envie de mal talent, dont il y eut grosses assemblées, de chacune partie, pour trouver paix. Pour ceux, et reçur le corps de notre Seigneur, ensemble, pour plus grande confiance avoir l'un à l'autre. Mais comme fut depuis apparent, la paix n'y était pas, et par la connaissance de Jean duc de Bourgogne, il fit tuer le dit duc d'Orléans. Après que Louis duc d'Orléans fut mort, il y eut grand inconfort des gens de son hôtel, qui menaient grand deuil, que c'était pitié de les voir. Car le dit duc d'Orléans était horriblement blessé en la tête et au visage, et avait aussi un poing coupé. Et avec lui, il y eut un sien valet de chambre, pour venir sauver le dit duc. En cet état, le dit duc fut emporté de ses gens, qui ne savaient que croire. Alors que tous pensaient que cela eût été fait le seigneur de Cany, pour ce que le dit duc lui avait soustrait sa femme, et pour cette cause haïssait-on le sieur de Cany, de mortelle haine. Mais on sut bientôt après la vérité du fait que le seigneur de Cany n'y avait nulle culpabilité. Le lendemain, quand on vint apporter le duc en terre, il y avait beaucoup de grands seigneurs de son lignage à tenir la main au drap, à faire le deuil au corps, quand il fut enterré au Célestin. Entre autres qui étaient Jean le duc de Bourgogne, qui avait fait faire cette besogne, et faisait le deuil par semblant. Mais on n'en savait pas encore la vérité. Et pendant qu'on le portait en terre, le sang coula du corps, parmi le cercueil, à la vue de tous. Il y eut grand murmure de ceux qui étaient là, et de tels y en eut bien qui se doutaient de ce qui s'en était, mais n'en dirent rien à présent. Après l'enterrement du dit duc, les seigneurs qui étaient là prirent conclusion d'être tous ensemble le lendemain pour cette besogne. Le duc de Berry dit au duc Jean: « Beau neveu, déportez-vous d'entrer au conseil. Il ne plaît bien à chacun que vous y soyez. » Selon Monstrelet, le duc de Bourgogne s'était déjà déclaré l'auteur du meurtre lorsqu'il se présenta pour entrer au conseil.